train, le tram ou le métro. On a chacun un truc à faire, moi c'est taffer les pros dans le bus. Le train, le tram ou le métro. Chacun a son truc, moi c'est taffer les pros dans le bus. Le train, le tram ou le métro. On a chacun un truc à faire, moi c'est taffer mes pros dans le bus. Le train, le tram ou le métro. Chacun a son truc, moi c'est taffer mes pros. J'finis le taf, j'vais prendre le 36, quelques arrêts, y gratter quelques phrases et pour qu'il passe vite le trajet dans le trafic, c'est ma méthode. Armé de mon tactile et marée de torte, j'provoque l'inspi avec de sacrés prod et ça t'étonne. De voir le bap tout bouger la tête, trouver des rimes chaque jour pour toucher la tienne, accoudé à la fenêtre du conquel, c'est là que tout se passe. Sur la route, j'gratte, j'recharge ma touche car j'suis fou de ça. Comme un fat Joe de son foot face, un accro de son bout de hache, un facho de sa troupe nazi. Sur le groove de la zik, on plonge le trou facilement. C'est fascinant comme la magie de l'encre, le goût de la vie. Yeah, une bouffée d'air fraîche, descends ici. T'as pas coup de fil à Nikon, Vescap, t'es filé en ville. On parsème de nos envies, de nos idées. J'passe le salam à la stie pour toute l'inspi qu'elle m'aura délivré. Dans le bus, le train, le tram ou le métro. On a chacun un truc à faire, moi c'est taffer mes pros dans le bus. Le train, le tram ou le métro. Chacun a son truc, moi c'est taffer mes pros dans le bus. Le train, le tram ou le métro. On a chacun un truc à faire, moi c'est taffer mes pros dans le bus. Yeah. Le train, le tram ou dans le métro. Chacun a son truc, moi c'est taffer mes pros. Hey yo, j'finis ma clope, paquet sur mon ST immobile. Direction le métro Pierre, on passe à deux puisqu'il n'y a qu'un mobile. Mais n'allons pas trop vite, si j'étais riche, j'passerais un coup de fil au taxi. Bah mais ouais, j'ai une bouche que vit à la stip. Coincé, plus 5 minutes à stocker la scie, à attendre que notre bolide parte, le mauvais timing se faire sentir. Mais pour une fois, je reste motivé, armé notre patience, nous y sommes obligés. Voilà que le signal retentit de manière assez nette. Les portes se referment, le métro accélère, j'entends déjà cette voix qui fera Krainem. Le temps passe, minute par minute, station par station, j'en fais abstraction, je voyage en toute lassitude. Et là tout de suite, trop de personnes sont montées, le métro est bondé, les trajets sont longs. Donc dans mon son, je me suis plongé, perdu dans mes songes, je médite sur pourquoi les transports m'insupportent-ils autant. J'ai suivi de trouver mille et une réponse. Et je dis, il est 16h, un mec ivre rentre en chantant. Je me dis vraiment qu'il est grand temps que je passe le permis, puisque j'ai de prendre la même ligne une. Ma patience est décroissante quand le périple dure. Ça me dérange, mais je boucle ce texte sur ce thème si pur. Je vais pas te le dire en trois langues, gros, tout le monde descend, c'est le terminus. Dans le bus, le train, le tram ou le métro. On a chacun un truc à faire, moi c'est taffer mes pros dans le bus. Le train, le tram ou le métro. Chacun a son truc, moi c'est taffer mes pros dans le bus. Le train, le tram ou le métro. On a chacun un truc à faire, moi c'est taffer mes pros dans le bus. Le train, le tram ou le métro. Chacun a son truc, moi c'est taffer mes pros. Morgan, Almawa, yeah, yeah. Ha.